بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، on continue بإذن الله nos cours concernant التفسير. Et nous avions terminé بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الدحى. Et on continue إنشاءالله تعالى avec سورة الليل. فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه لأن الغشاء بمعنى الغطاء. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce premier verset, il jure subhanahu wa ta'ala par la nuit. Par la nuit lorsqu'elle enveloppe, hein, c'est-à-dire lorsqu'elle enveloppe la terre. Hein, lorsqu'elle recouvre la terre et elle enveloppe la terre avec sa pénombre. Hein, la nuit. Hein, car en arabe, al-risha bimana al-ghita, le fait de couvrir. Hein, le fait de recouvrir. Donc la nuit, quand elle vient, elle recouvre la terre de l'obscurité, ou avec l'obscurité, avec la pénombre. Tayyib. Et je vous rappelle, hein, ici le shir ne le mentionne pas parce qu'il l'a mentionné plusieurs fois, mais que Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par ce qu'il veut. Et le fait qu'il jure par une chose montre, hein, la grandiosité de cette chose. Et en effet ici, il jure par al-layl, qui fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des signes extraordinaires qu'Allah azza wa jal, hein, a donné aux créatures. Hein? Lorsque l'être humain réfléchit et médite sur la nuit et le jour, hein? La perfection dans la nuit et le jour, hein? La nuit et le jour se succèdent. La nuit arrive, puis elle part et le jour prend sa place. Est-ce qu'un jour, depuis la création des cieux et de la terre, des milliers et des milliers d'années, est-ce qu'un jour la nuit n'est pas venue? Est-ce qu'un jour la nuit est tombé en panne ou a dit je suis malade? Jamais. Regardez, hein, la fabrication des êtres humains, hein, dans la technologie qu'ils ont pu fabriquer, hein, aussi pointue qu'elle puisse être. Les avions, les ordinateurs, internet, hein, maintenant l'intelligence artificielle, etc. Ce sont des fabrications de l'homme qui sont très très très complexes. Malgré ceci, ils tombent en panne. Ils deviennent obsolètes. Ils sont remplacés par quelque chose de meilleur. Hein? Ils ne fonctionnent pas, etc. Alors que la nuit et le jour sont parfaitement, hein, coordonnés. La nuit arrive, ensuite elle part pour laisser la place au jour. Donc il n'y a pas de doute que ceci est un signe, hein, pour ceux qui sont doués de raison et pour ceux qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici jure par la nuit. Et bien sûr, hein, excepté Allah, les êtres humains ne peuvent pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ceci rentre dans le shirk, le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et malheureusement, hein, beaucoup de la communauté aujourd'hui sont tombés dans le fait de jurer, hein, par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jurent par le prophète, ou ils jurent par la Kaaba, ou alors ils jurent par leur marabout, ou par leur shirk, subhanallah. Alors qu'il n'est pas permis de jurer excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et inshallah, on verra ce chapitre en détail dans Kitab al-Tawhid, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le permettra, inshallah ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أي إِذَا ظَهَرَ وَبَانَ وَذَلِكَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي هُوَ النُّورَ الَّذِي هُوَ مُقَدِّمَةُ الطُّلُوعِ الشَّمْسِ والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala jure par والنهار et par le jour. Hein? Et lorsque le jour apparaît, hein? إذا تجلى يعني إذا ظهر يعني s'il apparaît, c'est-à-dire lorsque le fajr se lève. Et le fajr, hein, c'est les premières lueurs qui apparaît à l'horizon, hein, qui est une muqaddima, une introduction à quoi? À l'apparition du soleil. Attention, là, on ne parle pas de lorsque le disque solaire apparaît. On parle du moment où les premières lueurs à l'horizon apparaissent. Hein? Ce qu'on appelle al-khiyat al-abiyad, comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comment connaît-on l'entrée du fajr lorsque le fil blanc apparaît à l'horizon. C'est-à-dire que les premières lueurs du soleil apparaissent à l'horizon. C'est le début du fajr, c'est le début de la journée. C'est à partir de là que la journée commence. Le soleil n'est pas encore apparu, n'a pas encore apparu. C'est seulement les lueurs. Puis les lueurs deviennent de plus en plus grandes jusqu'à que le disque solaire apparaît à l'horizon. À ce moment-là, on appelle quoi? On appelle comment ce moment? Ash-shuruq. Ash-shuruq. Hein? Et à ce moment-là, il est interdit de prier. Jusqu'à que le disque solaire sort entièrement de l'horizon. Hein? Et donc là, à partir de là, on peut prier. Al-Muhim. Ici, Allah jure par lorsque la nuit apparaît. Et bien sûr, ici nous dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le soleil est un signe de la journée, tout comme la lune est un signe de la nuit. Hein, d'accord? Comme ils disent al-ulama, al-qamar sultanu al-layl, wa-shams sultanu al-nahar. Hein, la lune, c'est comme on pourrait traduire approximativement, c'est la reine de la nuit. Et le soleil, hein, c'est le roi du jour. Hein, également un mémotechnique. Pour nos frères, vous savez qu'en arabe, hein, les choses sont aussi féminin et masculin, comme en français, contrairement à l'anglais. Par exemple, en anglais, il n'y a pas de genre dans les choses, d'accord? En français, hein, c'est comme en arabe. On a féminin et masculin pour les choses. En français, on dit un soleil, une lune. Masculin, féminin. Masculin, un soleil, lune, féminin. En arabe, c'est l'inverse. En arabe, c'est l'inverse. Ash-shams, il est féminin. Ash-shams, il est féminin, même s'il n'y a pas le tamarbuta, hein, le shems, hein, le shems, il est féminin. C'est quoi la preuve? Hein? Le shemsi? Là? Le shemsi? Et ouais, le duha aussi. Quoi? C'est quoi le verset? Non, par exemple, les versets sont très nombreux. Hein. Ils sont très nombreux. Quand vous voyez le mot shems, vous voyez que le mot ou le verbe qui vient après est au féminin. Wa shemsi wa duha ha. Le ha ici, c'est la marque du féminin. Tu vois. Hein? Wa idha shemsu kuwirat. Kuwirat, c'est au féminin. Al-muhim. Wa ra'aytu shemsa bazira. Bazira, c'est féminin. Al-muhim. Shems, il est féminin, contrairement au français. Même si c'est un mot technique pour ceux qui veulent se rappeler, est-ce que le shems il est masculin ou féminin? Sachez que c'est l'opposé du français. Et le qamar, c'est le contraire. Une lune en français et en arabe, hein, c'est masculin. El muhim, on s'est un peu égaré du sujet. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqa al-dhakar wal-untha. Hein? Ya'ni khalaqa al-dhakar wal-untha. Ala ahadi tafsirain alladhi ja'ala ma huna masdariyah. والذي خلق الذكر والأنثى هو الله سبحانه وتعالى على التفسير الآخر فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق ذكر والأنثى وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. Donc ici, on peut traduire le verset de deux manières différentes selon les deux explications qui ont été données. Parce qu'ici, il y a wama, le ma en arabe, hein, il peut avoir plusieurs sens. D'accord? Donc il peut avoir le sens ici de hein, et par la création, hein, et par la création du mâle et de la femelle. D'accord? Dans une des deux explications de ce verset. Si le ma, il est masdariya. Hein? Oh, pardon. Et par celui. Non, c'est ça. Et donc celui qui a créé. Hein, le mâle et la femelle, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans la deuxième explication, il jure donc par lui-même. Donc, si on prend la première explication et par la création du mâle et de la femelle, Allah jure par cette création, par le fait d'avoir créé, par la création du mâle et de la femelle. Alors que si on prend au deuxième sens, Allah jure par lui-même, c'est-à-dire et par celui qui a créé le mâle et la femelle. Donc on peut traduire par deux petits points, par celui qui a créé le mâle et la femelle, d'accord ? Ou on peut traduire par hein, et par la création du mâle et de la femelle. Donc Allah Azza wa Jal, ici, il peut vouloir jurer par lui-même, ou sur lui-même, subhanahu wa ta'ala, ou il peut jurer sur la création hein, du mâle et de la femelle. Wadih ? Tout dépend ici de comment est traduit le ma. Regardez la langue arabe, subhanallah. Hein? Daqiq, c'est pointilleux, hein? C'est méticuleux. Al-Muhim, ça revient à la qaïda, à la règle. C'est quoi la règle dans ce sujet qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans nos cours? C'est quoi? Si deux sens sont possibles et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux sens, alors on dit, yani on affirme les deux sens. D'accord? Ça, c'est une règle dans le tafsir, dans Usul le tafsir. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Inna sa'yakum la shatta » يعني إن عملكم لشتى أي متفرق تفرقا عظيما. C'est-à-dire, et certes, hein, vos œuvres, vos actes, hein, sont différents, sont variés. فالله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء متضادة على أشياء متضادة. الليل ضد النهار والذكر ديدو الأنثى والسعي متضاد الصالح وسيء فتناسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من بلاغة القرآن. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, vous remarquez, regardez l'excellence et la perfection du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala jure par des choses opposées, sur des choses opposées. En effet, la nuit est l'opposée de la journée. وَاللَّيْلِ إِذَا يَرْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. N'est-ce pas que c'est deux opposés, la nuit et le jour, hein? Ensuite, le mâle est l'opposé du femelle, de la femelle, pardon. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Et c'est l'opposé. D'accord? Également, إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Et vos œuvres, vos actes sont variés, sont différents. T'as les œuvres qui sont pieuses et t'as les œuvres qui sont mauvaises. D'accord ? Donc ici, la chose hein, pour laquelle Allah jure hein, correspond à laquelle sur les choses que Allah jure. Et ça fait partie hein, de l'éloquence, barakallahu fik, de l'éloquence du Coran. فالمعنى أن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى فكذلك أعمال العباد متباينة متفاوتة منها الصالح ومنها الفاسد ومنها ما يغلط صالحا وفاسدا كذلك بتقدير الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم فصل هذا السعيم المتفرغ فقال سنترجم هذا بعدين. Et donc, le sens ici, c'est que la différence entre la nuit et le jour, entre le mâle et la femelle, ce sont des choses qui sont claires, apparentes. Ils ne sont pas cachés. Hein, c'est clair, c'est évident, la différence entre ces choses-là. Hein? Et donc, tout comme les œuvres des serviteurs hein, diffèrent les unes avec les autres. Elles sont supérieures les unes aux autres. Il y a celles qui sont pieuses et il y a celles qui sont corrompues, qui sont mauvaises. Il y a celles qui sont mélangées, hein, c'est-à-dire que dans la même œuvre, il y a des choses bien et des choses mauvaises. Et tout ça, hein, selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez Allah azza wa jal ici, comment il a fait la relation entre la différence des signes qui sont visibles, la différence entre la nuit et le jour, la différence entre les mâles et les femelles, et la différence entre les œuvres des serviteurs. Il y a ceux qui sont mauvaises, il y a ceux qui sont bonnes, il y a ceux qui sont pieuses, il y a ceux qui sont corrompus. Allahu Akbar. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala hein, guide celui qui veut hein, au chemin droit. Et donc il mentionne après cela, où il explique, il détaille, hein, ses œuvres différentes, variées. Lorsqu'il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى أَيْ أَعْطَى مَا أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ مِنْ مَالْ أَوْ جَاهْ أَوْ عِلْمْ. Donc il dit, quant à celui qui donne et qui fait preuve de taqwa, hein, quant à celui qui donne, c'est-à-dire celui qui donne ce qu'on lui a ordonné de donner, comme argent, comme prestige, comme science. Wattaqa, et qui fait preuve de taqwa, yani ittaqa ma umira bittiqa'ihi min al-muharramat. C'est-à-dire celui qui craint ce qu'on lui a ordonné de craindre comme chose interdite. Donc il donne et il craint les choses qu'on lui a interdites. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى أي صَدَّقَ بِالْقَوْلَ الْحُسْنَى وَيَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَقَوْلُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِأَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ وَأَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et celui qui rend véridique, hein, ici al-husna, shir, il a traduit quoi, hein, par la parole bonne, la parole, hein, excellente ou pieuse, c'est-à-dire la, ou, pas pieuse, mais la parole qui est bonne, hein, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le savez tous, la plus véridique des paroles et la meilleure des paroles, c'est la parole de qui? La parole d'Allah. N'est-ce pas que l'imam, chaque vendredi, il dit quoi? Inna asdaq al-kalam, kalamullah. Hein? Et certes, la plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah. D'accord? Ce verset, hein, Shir al-Shir al-Uthaymin, il l'a traduit ainsi. Il y a d'autres traductions. Certains ont dit, hein, wa saddaqa bil-husna, ay, bila ilaha illallah. Comme a dit Dahak, hein, et c'est rapporté aussi de Abdullah ibn Abbas. Hein, certains ont dit, et qui rendent véridique quoi? Al-Husna ici, c'est La ilaha illallah. Hein, ça, c'est la parole de, une des paroles d'Ibn Abbas et de Ad-Dahhak, qui était un grand mufassirin parmi les tabi'in. Hein, également, Qala Mujahid bil Jannah. Et ça, c'est la traduction généralement qu'on trouve dans les traductions françaises. Regardez, mes frères, encore une fois, je vais ouvrir une parenthèse. Mais les traductions du Mus'haf, du Qur'an, des traductions, hein, approcher du sens relatif, hein, comme ils disent, des versets, regardez comment vous êtes dépendant à 100% du traducteur. Et si vous trouverez dans les traductions françaises, bon, je sais, j'ai pas fait toutes les traductions, mais dans les traductions les plus connues, hein, ils vont dire celui qui rend véridique quoi, hein, la récompense, ou certains vont dire le paradis, etc. Ça, c'est une des explications, comme Mujahid lui l'a dit, hein, bil husna yani bil janna, yani Al-Bilhusna, c'est-à-dire par le paradis. D'accord? C'est une des traductions. Ça, c'est la traduction. Donc, le traducteur, il a choisi cette traduction. Taïb. Mais il aurait pu choisir, hein, il aurait pu traduire par tafsir, un autre tafsir, le premier tafsir qu'on a donné, par exemple. Donc, forcément, en tant que non-arabophone, en tant que personne qui ne comprend pas l'arabe, tu es dépendante, totalement de qui? Du traducteur. Si le traducteur a voulu traduire selon la compréhension que lui il a pensé être juste, tu es dépendant de sa traduction, de sa compréhension. Voilà pourquoi, hein, la traduction, comme on dit toujours, hein, c'est comme une béquille. C'est comme une béquille. C'est-à-dire qu'elle t'aide à marcher quand tu ne peux pas marcher. Mais c'est pas la situation qui est saine. Hein? La situation saine, c'est que tu marches normalement, sans béquille. Donc tu n'as pas besoin de traducteur, c'est-à-dire que tu parles l'arabe, tu comprends l'arabe. Hein? Et donc la traduction doit être un moyen de t'aider au début, mais tu dois faire tes efforts pour apprendre l'arabe et pour pouvoir être indépendant, entre guillemets, hein, indépendant de ta compréhension. Yanni, bien sûr, on est tous dépendants dans la mesure où on retourne aux savants et aux gens de science dans la compréhension de la religion, parce que c'est eux qui ont mieux compris, ce sont eux les héritiers des prophètes. Mais tu n'as pas cet intermédiaire entre toi et les savants, c'est-à-dire le traducteur, parce que tu comprends l'importance donc d'apprendre la langue arabe, hein. Et malheureusement aujourd'hui, hein, certains de nos frères parmi les gens de la communauté ont cet orgueil, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ce sentiment de hein, « j'apprends pas l'arabe, hein, moi je suis pas un arabe hein, ». C'est une mauvaise fierté. Hein. Ils ne veulent pas apprendre l'arabe par fierté, yani, parce que nous on n'est pas des arabes. Non. Le Coran a été descendu en langue arabe, sur un prophète arabe, pour les arabes et les non-arabes. Et comme on le dit souvent, parmi les meilleurs savants de la langue arabe, c'était des non-arabes. Sibawi, hein, un des plus grands savants de la langue arabe, il n'était pas arabe. Hein, et on peut donner des exemples comme ça. Hein, les savants du hadith, comme Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, tous étaient non-arabes. Malgré ceci, ils maîtrisaient l'arabe. Hein, peut-être mieux même que les arabes eux-mêmes, ou certains arabes. Hein. À notre époque, pareil, hein, souvent on mentionne l'exemple de Shir al-Albani, rahimahullah. Shir al-Albani vient d'où ? D'Albanie, son nom l'indique. Hein, ce n'est pas des arabes les Albanais. Pourtant, ils maîtrisaient mieux l'arabe que beaucoup d'arabes à notre époque. Subhanallah. Hein? Et toujours avec cette humilité qu'il avait, Shir, hein, quand il débattait avec des arabophones, il disait, oui, vous êtes mieux savant que moi de votre langue. Hein? Mais malgré ceci, il arrivait à être supérieur à eux dans la langue arabe. Al-Muhim. On ferme cette parenthèse. Donc, comme Mujahid, lui, il a traduit ici, où il a expliqué, hein, et qui rend véridique Al-Jannah. Et il y a d'autres paroles, hein, on ne va pas tous les mentionner, il y a d'autres paroles sur la traduction de, ou l'explication de ce verset. Al-Muhim, comme dit Al-Qurtubi dans son tafsir, rahimahullah ta'ala, il dit « Wa kulluhu mutaqarib al-ma'na » إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. Al-Qurtubi dit, après avoir mentionné tous les tafsirs des différents mufassirin, hein, parmi les sahaba et les tabi'in, il dit quoi ? Il dit quoi qu'il en soit, hein, tout cela, toutes ces explications, ils sont proches dans la signification. Et ils reviennent tous au même sens qui est la récompense, hein, hein, c'est-à-dire le Jannah. D'accord ? Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى السين هنا للتحقيق أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها في أمور دينه ودنياه ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له سبحان الله قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره الله أكبر الله صدق شيخ سبحان الله. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et donc, hein, on lui facilitera donc pour lui, hein, on lui facilitera pour lui ici le signe, hein, fasa nu yassir. Le verbe c'est quoi? Yassara. Ici, vous remarquez qu'il y a le fa, harful atf, hein, après il y a le signe, qui en général indique quoi? Hein, le futur. Sanuyassiruhu. Et si le sin, hein, c'est quoi? Les tahqiq, yani pour affirmer, pour confirmer. Pour confirmer quoi? Pour confirmer que celui qui donne, celui qui craint Allah, celui qui rend véridique al-husna, hein, selon les différents tafsirs qu'on a donnés, hein, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter d'une facilité claire toutes ses affaires. Ses affaires de la religion, tout comme ses affaires mondaines, ses affaires de la dunya. C'est pour ça que tu vois, que tu trouves, mes frères, c'est pour ça que vous trouvez que les gens qui ont leurs affaires le plus facilitées, c'est qui? C'est ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. C'est ceux qui donnent, c'est ceux qui ont la taqwa, c'est ceux qui rendent véridique. Hein? Al-Husna. Et plus la personne craint Allah Azza wa Jal, plus la personne a la taqwa, et plus la personne, ses affaires sont facilitées. Et ça, bien sûr, ce n'est pas le shirk qui le dit. Ça, le shirk le tire d'où ? Hein, du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et celui qui craint Allah, alors Allah fait de son affaire une facilité. Tu veux qu'Allah te facilite ? Tu veux qu'Allah te facilite une affaire que, dans laquelle tu vas te lancer, dans une affaire dans laquelle tu es, dans une difficulté ? Alors crains Allah. Et la taqwa. Bien sûr, hein, on traduit toujours la taqwa par la crainte, mais vous savez que c'est plus vaste que celle-ci. On l'a déjà mentionné, comme a dit qui ? Tarq Ibn Habib. Il a dit quoi ? Taqwa, c'est quoi ? Hein ? C'est le fait d'œuvrer, d'obéir à Allah avec une lumière venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Et en s'écartant de la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en ayant peur du châtiment d'Allah. Ça, c'est taqwa. Ya Allah, dis, trouve-moi un mot en français qui correspond à ça. En arabe, tu dis taqwa. Hein, quand on dit taqwa en arabe, pensez à cette définition. C'est pas seulement la crainte. La crainte, c'est trop restreint. C'est plus vaste que cela. Fahimtoum. Donc, il nous dit ici le shirk. Si tu veux qu'Allah il te facilite tes affaires, hein, elle a taqwa. Et chaque fois que la personne s'écarte le plus d'Allah, alors c'est elle qui aura le plus de difficultés dans ses affaires. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ » Hein, les enfants, ils se trompent souvent là, dans le Coran. Hein. « Al-yusra, al-usra », ils le mettent avant, après. Mais celui qui connaît le sens, hein, si tu connais l'arabe, tu ne peux pas te tromper. Hein, c'est comme dans le Bayinat aussi. Hein, « Ulaika humu sharrul bariyah » Les enfants, ils inversent le « shar » et le « khayr ». Mais le sens est grave, subhanallah. Mais hein, c'est pour ça l'importance de connaître le tafsir, de connaître le sens des versets. Tu connais le sens, tu ne peux pas te tromper. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quant à celui qui amma man bakhila falam yu'ti ma umira bi'i'ta'ihi, c'est-à-dire celui qui ne donne pas ce qu'on lui a ordonné de donner, hein, que ça soit sa zakat, que ça soit un nafaqa, ce qui est obligatoire pour lui de dépenser dans sa famille, ses enfants, etc. Et tout ce qu'on lui a demandé, qui est ordonné. On ne parle pas des choses surérogatoires. On parle des choses qui est obligatoire pour lui de donner. وَاسْتَغْنَا إِسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَمْ يَتَّقِي رَبَّهُ بَلْ رَأَ أَنَّهُ فِي غِنَا عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Hein? Et celui qui pense qu'il est dispensé, il pense qu'il est dispensé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de craindre son Seigneur. Hein? Il voit qu'il n'a pas besoin, hein, il est dispensé de la quoi ? De la miséricorde d'Allah azza wa jal. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى أي بالقولة الحسنى ويقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. Et celui qui rend mensonger, hein, al-husna. Al-husna, là on revient à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Hein. Ça peut être la bonne parole, comme la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole de son messager. Ça peut être le paradis, ça peut être la ilaha illallah. Tout ça, c'est le même. Ça rentre dans le husna. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ يُيَسِّرْ لِلْعُسْرَ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا. C'est-à-dire qu'il va lui faciliter une difficulté dans toutes ses affaires. وَلَكِنْ قَدْ يَأْتِ شَيْطَانِ لِلْإِنسَانِ فَيَقُولْ نَجِدْ أَنَ الْكُفَّارِ تَيَسَّرَ أُمُورَهُمْ تَيَسَّرَ أُمُورَهُمْ فَيُقَالْ نَعَمْ. On va traduire avant la question. Mais Shaitan, il peut venir à une personne, à un individu. Hein? Quand il lit ce verset, Shaitan peut venir lui mettre des ambiguïtés. Il lui dit, regarde les kofars. N'est-ce pas que leurs affaires sont facilitées, hein? Regarde comment ils vivent. Hein? Regarde comment tout ce qu'ils ont. Eux, leur vie est facile. Pourquoi tous nos frères, malheureusement, ou beaucoup, astaghfirullah, pas tous nos frères, mais beaucoup de nos frères ici, hein, sont prêts à risquer leur vie, ils sont dépensent des millions pour aller vivre là-bas chez les kofars en pensant que là-bas, hein, c'est le paradis. Hein? Ils montent sur des bateaux en pleine mer, hein, et beaucoup d'entre eux meurent. Pourquoi? En pensant que eux, les kuffars, hein, ils ont tout est vert chez eux, tout est beau, c'est le Jannah. Hein? Ça, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est ce que les gens peuvent se dire. Ils vont se dire, mais non, nous, on ne voit pas la réalité de cela. On pense, Shaitan, il va jouer, il va leur insuffler ces ambiguïtés qui vient contredire le Coran. Alors, Shir, il répond à ça. فيقال نعم قد تيسر أمورهم لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء أو في السماء نعم peut-être que leurs affaires sont facilitées. Cependant, dans leur cœur brûle un feu ardent, une gêne. Hein? Leur cœur est compressé, restreint. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et celui, وَمَنْ يُرِيدَ أَنْ يُدِلْ لَهُ, celui qui veut être égaré, alors on va quoi? On va compresser sa poitrine, hein, la mettre sa poitrine dans une gêne, hein, comme s'il voudrait essayer d'atteindre le ciel. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب أذن وندخلوا بعد إن شاء الله. الله مستعان الوقت يمضي بسرعة. الله أكبر. Donc ici, on répète dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset surat al-An'am, et celui dont Allah veut égarer, il va rendre sa poitrine serrée, compressée, avec de la gêne, comme s'il voulait atteindre le ciel. Et ensuite, ces choses dont les kuffars ont pu être bénéficiés comme bienfaits, ce sont seulement des bienfaits physiques. C'est des bienfaits physiques, matériels. Hein, ce ne sont pas les bienfaits de l'âme. Hein? Et donc, méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, on a lu dans l'arabe, quand lorsqu'il dit, et nous allons les mener graduellement vers là où ils ne savent pas, où ils ne connaissent pas. Hein? Et je vais leur donner un délai. Et mon stratagème est sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenez le verset par rapport à la situation. Allah va les emmener graduellement vers là où ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que même si là ils peuvent être dans une situation où ils pensent être dans une bonne situation, graduellement ils vont arriver là où Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils arrivent. Et le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala est sûr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et le Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse du temps à l'injuste jusqu'à qu'il le saisisse et qu'il ne puisse plus s'échapper. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset dans Surat Hud lorsqu'il dit telle est la prise de ton Seigneur lorsqu'il prend les cités ou les contrées qui ont été injustes et certes la prise d'Allah subhanahu wa ta'ala est dure et sévère. وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم طيباتهم في حياتهم دنيا ومع ذلك فإن هذه دنيا جنة لهم بنسبة الآخرة. Et eux, peut-être que hein, pour eux, pour le kuffar, peut-être que hein, les bonnes choses leur ont été hein, avancées. Hein, ils en ont profité dans leur vie de la dunya. Mais malgré ceci, hein, leur dunya, hein, la dunya pour eux, hein, c'est leur paradis. C'est un paradis. Comparé à quoi ? À l'akhira, ce qui leur attend dans l'akhira. Wa qad dhakaru an ibn Hajar an عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري بشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاء بمصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله. Il a été rapporté que Al-Hafiz, le grand savant Ibn Hajar Al-Asqalani, qui est mort en 453. Non. Il est où, Abdallah? 856. Un petit peu moins. 853. Ibn Hajar. 9e siècle, Ibn Hajar. Celui qui a écrit hein, l'un des meilleurs, une des meilleures explications de quoi ? De Sahih Bukhari. Hein, une des meilleures explications de Sahih Bukhari, c'est celle écrite par Ibn Hajar, qui s'appelle Fath al-Bari. Il était un des juges parmi les juges d'Égypte. Un jour, il est passé, alors qu'il était hein, dans sa. Comment on pourrait dire ? Dans sa. Pas dans sa charrette, mais quelque chose qui est plus noble, dans son carrosse un peu, hein, tiré par des mulets. D'accord ? Et les gens étaient autour de lui. Et c'était une position de prestige. C'est quoi ? C'est un juge. Hein, les juges, c'était des gens qui étaient renommés, qui étaient respectés, etc. وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَهُودِي سَمَّانٍ يَعْنِي يَبِيعُ السَّمَنَ وَالزَّيْتِ وَمِنْ مَعْلُومٍ الَّذِي يَبِيعُ السَّمَنَ وَالزَّيْتِ تَكُونُ ثِيَابُهُ وَسِخَةً وَحَالُ سَيِّئَةٍ فأوقف العربة. Et donc, il est passé par un homme juif. Hein? Il est passé devant un homme juif qui lui était un vendeur de d'huile, de beurre, le beurre un peu, je sais plus quoi, semaine, je sais plus comment en français. Le ghi là, il appelle ghi, G-H-E-E. Ah ok. Ouais, on en trouve pas trop ici. De la graisse, plutôt. Un peu de la graisse, du beurre un peu huile. Hein? Non, pas trop margarine. C'est du ghee, t'as raison. C'est ghee, il s'appelle ghee, mais G-H-E-E. Ouais. Mais on ne trouve pas trop... ici, je n'ai pas trop vu. Et non plus en Europe, on ne trouve pas. Moi, plus dans les pays arabes. Mm-hmm. Ils vendaient ces choses-là. Et en général, hein, ceux qui vendent ça, hein, ils ont des habits qui sont sales, qui sont tachés. Hein, sa situation, elle n'est pas bonne. Tout, c'est des mesquines. D'accord ? Alors, il arrête le carrosse. Et Ibn Hajar, il l'arrête avec tous les gens. Hein, imaginez la scène, il l'arrête. Et il lui dit, le juif, il dit « Inna nabiyakum yaqul al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Fa kayfa ana akun bihadhi al-hal wa anta bihadhi al-hal ?» Il a dit, le juif, hein, donc, dans son état misérable, et Ibn Hajar, un juge hein, dans son état, il dit « Votre prophète a dit la dunya c'est la prison du croyant. Et c'est le paradis du mécréant. Qu'est-ce que tu dis pour regarde-nous ? Regarde ma situation et regarde ta situation. Vous comprenez la situation ? Vous comprenez ? Ibn Hajar, est-ce qu'il est là ? Il a bégayé. Il a dit, ah, qu'est-ce que je vais répondre ? فَقَالَ لَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الْبَدِيهَةِ أَنَا فِي سِجْنِ بِنِسْبَةِ لما أعد الله للمؤمنين من الثواب والنعيم لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأما أنت أيها اليهودي فأنت في جنة بنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. الله أكبر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors Ibn Hajar, il lui a dit, je suis dans une prison comparée à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants comme récompense et comme bienfait. Car cette dunya, comparée à l'akhira, elle ne vaut rien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'emplacement de la lanière d'un fouet dans le paradis est meilleur que toute la dunya ce qu'il y a dedans. N'est-ce pas que le fouet c'est fin comme ça? Ça au paradis c'est meilleur que toute cette dunya ce qu'il y a dedans. Quant à toi le juif, tu es dans un paradis comparé à ce que Allah a préparé comme châtiment si tu meurs sur la mécréance dans laquelle tu es. Vous avez vu comment il a répondu instinctivement, hein, directement comme ça. Alors ceci a eu un impact sur le juif et c'est une cause qu'il est devenu musulman et il a dit j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'arrêter là, malheureusement on ne peut pas terminer. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.